des dizaines, petite et belle des vilaines. T'en as connu une ou deux, une grande maigre et une hideuse. Sur internet en les bas, tu ne laisses rien au hasard. Faut te caser à tout prix, tu t'apprends n'importe qui. Je ne veux pas du réchauffé. Tu déjà vu, ou bien tu déjà porté. Moi, j'attends celui qui va tant. Pour ne pas être tout seul, tu veux bien tout ce qu'elles veulent. Tu ne fais pas les mêmes erreurs. Apprends le manuel par cœur. À chaque nouvelle relation, tu progresses en émotion. Mais à chaque fois c'est pareil, tu finis seul la bouteille. Mais moi vois-tu, je ne veux pas du réchauffé. Tu déjà vu, ou bien tu déjà porté. Moi j'attends celui qui. Je fais une exception pour trouver l'homme de ma vie. Je suis prête à mettre le prix. Je ne veux pas d'un cœur usé, à moitié endommagé, qui serait rafistolé, voire en partie amputé. Je ne veux pas du réchauffé. Tu l'as déjà vu, ou bien tu t'es déjà porté. Moi